Chapitre 19e, Ri à Rome, le pape Alexandre VII. Vous croyez aimant que je ne manquais pas, dans le cours du conclave, de prendre les sentiments de monsieur le cardinal Chigi et de mes amis de l'escadron sur la conduite que j'avais à tenir après que j'en serais sorti. Je prévoyais qu'elle serait assez difficile, et du côté de Rome et du côté de France, et je connus, dès les premières conversations, que je ne me trompais pas dans ma prévoyance. Je commencerai par les embarras que je trouvais à Rome, que j'expliquerai de suite, pour ne point interrompre le fil du récit, et je ne reviendrai à ce que je fis du côté de France qu'après que je vous aurai exposé la conduite que je pris en Italie. Mes amis, qui n'étaient nullement partis en ce pays-là, et qui, selon le génie de notre nation qui traite tout autre par rapport à elle, s'imaginaient qu'un cardinal persécuté pouvait et devait même vivre presque un homme privé à Rome, m'écrivaient par toutes leurs lettres qu'il était de la bienséance que je demeurasse toujours dans la maison de la mission où je m'étais effectivement logé 7 ou 8 jours après que je fus arrivé. Ils ajoutaient qu'il était nécessaire que je ne fisse aucune dépense, et parce que tous mes revenus étant saisis en France avec une rigueur extraordinaire, je n'en pourrais pas même soutenir une médiocre, et parce que cette modestie ferait un effet admirable dans le clergé de Paris, duquel j'aurais un grand besoin dans les suites. Je parlais sur ce ton à monsieur le cardinal Chigi, qui passait pour le plus grand ecclésiastique qui fut au-delà des monts, et je fus bien surpris quand il me dit « Non, non, monsieur, quand vous serez établi dans votre siège, vivez comme il vous plaira, parce que vous serez dans un pays où l'on saura ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas. Vous êtes à Rome, où vos ennemis disent tous les jours que vous êtes décrédité en France. Il est de la nécessité de faire voir qu'ils ne disent pas vrai. Vous n'êtes pas ermite, vous êtes cardinal, et cardinal d'une volée que nous appelons en ce pays « Dei Cardinaloni ». Nous y estimons peut-être plus qu'ailleurs la modestie, mais il faut à un homme de votre âge, de votre naissance et de votre sorte, qu'elle soit tempérée. Il faut de plus qu'elle soit si volontaire qu'il n'y ait pas seulement le moindre soupçon qu'elle soit forcée. Il y a beaucoup de gens à Rome qui aiment à assassiner ceux qui sont à terre. N'y tombez pas, mon cher monsieur, et faites réflexion, je vous supplie, quel personnage vous jouerez dans les rues avec les 6 estafiers dont vous parlez, quand vous y trouverez un petit bourgeois de Paris qui ne s'arrêtera pas devant vous et qui vous bravera pour faire sa cour au cardinal d'Est. Vous ne deviez pas venir à Rome si vous n'étiez pas en résolution et en pouvoir d'y soutenir votre dignité. Nous ne mettons point l'humilité chrétienne à la perdre, et je n'ai rien à vous dire, si ce n'est que le pauvre cardinal Chigi, qui vous parle, qui n'a que 5 000 écus de rente, et qui est sur le pied du plus gueux des cardinaux moines, ne peut aller aux fonctions sans 4 carrosses de livrée, roulant ensemble, quoiqu'il soit assuré qu'il ne trouvera personne dans les rues, qui manque en sa personne au respect que l'on doit à la pourpre. Voilà une petite partie de ce que le cardinal Chigi me disait tous les jours, et de tout ce que mes autres amis, qui n'étaient pas, ou du moins qui ne faisaient pas les ecclésiastiques si zélés que lui, m'exagéraient encore beaucoup davantage. Monsieur le cardinal Barberin éclatait encore plus que tous les autres contre ce projet de retranchement. Il m'offrait sa bourse, mais comme je ne la voulais pas prendre, et comme même j'eusse été fort aise de n'être pas à charge à mes proches et à mes amis de France, je me trouvais fort en peine, et d'autant plus que je les voyais très disposés à croire que la grande dépense ne m'était nullement nécessaire à Rome. Je n'ai guère eu dans ma vie de rencontre plus fâcheux que celui-là, et je vous puis dire avec vérité que je ne sais qu'une occasion où j'ai eu plus de besoin de faire un effort terrible sur moi pour m'empêcher de faire ce que j'aurais souhaité. Si je me fusse cru, je me serais réduit à 2 estafiers. La nécessité l'emporta. Je connus visiblement que je tomberais dans le mépris si je ne me soutenais avec éclat. Je cherchais un palais pour me loger, je rassemblais toute ma maison qui était fort grande, je fis des livrées modestes, mais nombreuses de 80 personnes. Je tiens une grande table. Les habits de Courtenay et de Sévigné se rendirent auprès de moi. Campi, qui avait commandé le régiment italien de monsieur le cardinal Mazarin, et qui s'était depuis attaché à moi, me joignit. Tous mes domestiques y accoururent. Ma dépense fut très grande quand j'en fus sorti. Elle fut nécessaire. Et l'événement fit connaître que le conseil de mes amis d'Italie était mieux fondé que celui de mes amis de France. Car monsieur le cardinal d'Est, ayant défendu, dès le lendemain de la création du pape, à tout Français, de la part du roi, de s'arrêter devant moi dans les rues, et même aux supérieurs des églises françaises de me recevoir, je fusse tombé dans le ridicule si je n'eusse été en état de faire respecter ma dignité et vous allez connaître clairement cette vérité par la réponse que le pape me fit lorsque je le suppliais de me prescrire de quelle manière il lui plaisait que je me conduisisse à l'égard de ces ordres de M. le cardinal d'Est. Je vous la dirai après que je vous aurai rendu compte des premières démarches qu'il fit après sa création. Il fit apporter, dès le lendemain même, avec apparat, son cercueil sous son lit. Il donna, le jour suivant, un habit particulier au caudataire des cardinaux. Il défendit, le troisième, aux cardinaux de porter le deuil, au moins en leur personne, même de leur père. Je me le tins pour dit, et je dis moi-même à Azzolini, qui en convint, que nous étions pris pour dupes, et que le pape ne serait jamais qu'un fort pauvre homme. Le cavalier Bernin, qui avait bon sens, remarqua deux ou trois jours après que le pape n'avait observé, dans une statue qui lui faisait voir, qu'une petite frange qui était au bas de la robe de celui qu'elle représentait. Ces observations paraissent légères, elles sont certaines. Les grands hommes peuvent avoir de grands faibles, ils ne sont pas même exempts de tous les petits, mais il y en a dont ils ne sont pas susceptibles, et je n'ai jamais vu, par exemple, qu'ils aient entamé un grand emploi par des bagatelles. Azzolini, qui fit les mêmes remarques que moi, me conseilla de ne pas perdre un moment à engager Rome à ma protection par la prise du pallium de l'archevêché de Paris. Je le demandai dans le premier consistoire, devant qu'on eût seulement fait réflexion que je pensasse à le demander. Le pape me le donna naturellement, sans y faire lui-même de réflexion. La chose était dans l'ordre, et il ne la pouvait refuser selon les règles. Mais vous verrez par les suites que ce n'étaient pas les règles qui les réglaient. Ce pas me fit croire qu'il n'aurait pas au moins de peine à faire que l'on me traitât de cardinal à Rome. Je me plaignis à lui des ordres contraires que M. le cardinal d'Est avait donnés à tous les Français. Je lui représentai qu'il ne se contentait pas de faire le souverain dans Rome, en me dégradant des honneurs temporels, mais qu'il y faisait encore le souverain pontife en m'interdisant les églises françaises. L'étoffe était large, je ne m'en fis pas faute. Le pape, à qui M. de Lyonne s'était plaint, avec un éclat qui passa jusqu'à l'insolence, de la concession du pallium, me parut fort embarrassé. Il parla beaucoup contre le cardinal d'Est. Il déplora la misérable coutume, ce fut son mot, qui avait assujetti plutôt qu'attaché les cardinaux aux couronnes, jusqu'au point d'avoir formé entre eux-mêmes des schismes scandaleux. Il s'étendit avec emphase sur la thèse, mais j'eus mauvaise opinion de mon affaire quand je vis qu'il demeurait si longtemps sous le général, sans descendre au particulier. Je m'aperçus aussitôt après que ma crainte n'était pas vaine, parce qu'il s'expliqua enfin, après beaucoup de circonlocutions en ces termes. La politique de mes prédécesseurs ne m'a pas laissé un champ aussi libre que mes bonnes intentions le mériteraient. Je conviens qu'il est honteux au collège et même au Saint-Siège de s'offrir la licence que le cardinal d'Est, ou plutôt que le cardinal Mazarin se donne en se rencontre. Mais les Espagnols l'ont prise presque pareil sous Innocent, à l'égard du cardinal Barberin, et même sous Paul V, le maréchal d'Estrées n'en usa guère mieux envers le cardinal Borghese. Ces exemples, dans un temps ordinaire, n'autoriseraient pas le mal, et je les saurais bien redresser. Mais vous devez faire réflexion, caro mio signor cardinale, que la chrétienté est en feu, et qu'il n'y a que le pape Alexandre qui le puisse éteindre, qu'il est obligé, par cette raison, de fermer, en beaucoup de rencontres, les yeux, pour ne pas se mettre en état de se trouver inutile à un bien aussi public et aussi nécessaire que celui de la paix générale. Que direz-vous lorsque vous saurez ce que Lyonne m'a déclaré insolemment depuis 3 jours sur ce que je vous ai donné le pallium, que la France ne me donnerait aucune part au traité dont on parle et qui n'est pas si éloigné que l'on croit? Ce que je vous dis n'est pas que je vous veuille abandonner, mais seulement pour vous faire voir qu'il faut que je me conduise avec beaucoup de circonspection et qu'il est bon aussi que vous m'aidiez de votre côté et que nous nous donnions tous les deux tempo al tempo. Si j'eusse voulu faire bien ma cour à sa sainteté, je n'avais qu'à me retirer après ce discours, qui, comme vous voyez, n'était qu'un préparatoire à ne point recevoir la réponse que je demandais. Mais comme elle m'était absolument nécessaire et presque pressée, parce que je me pouvais rencontrer à tous les instants dans l'embarras dont il s'agissait, je ne crus pas que j'en dusse demeurer là avec le pape. Et je pris la liberté de lui reparler, avec un profond respect, en lui représentant que peut-être, au sortir du Vatican, je trouverais dans la rue le cardinal d'Est, qui n'étant que cardinal diacre, devait s'arrêter devant moi. Que je rencontrerais infailliblement des Français, dont Rome m'était toute pleine, que je le suppliais de me donner ses ordres, avec lesquels je ne pouvais plus faillir, et sans lesquels je ne savais ce que j'avais à faire, que si je souffrais que l'on ne me rendît pas ce que le cérémonial veut que l'on rende aux cardinaux, j'appréhendais que le sacré collège n'approuva pas ma conduite, que si je me mettais en devoir de me le faire rendre, je craignais de manquer au respect que je devais à sa sainteté, à laquelle seule il touchait de régler tout ce qui nous regardait, et les uns et les autres, que je la suppliais très humblement de me prescrire précisément ce que je devais faire, et que je l'assurais que je n'aurais pas la moindre peine à exécuter tout ce qui lui plairait de m'ordonner, parce que je croyais qu'il y aurait autant de gloire pour moi à me soumettre à ses ordres, qu'il y aurait de honte à reconnaître ceux de monsieur le cardinal d'Est. Ce fut à cet instant où je reconnus, pour la première fois, le génie du pape Alexandre, qui mettait partout la finesse. C'est un grand défaut, et d'autant plus grand quand il se rencontre dans les hommes de grande dignité, qu'ils ne s'en corrigent jamais, parce que le respect qu'on a pour eux et qui étouffe les plaintes fait qu'ils demeurent presque toujours persuadés qu'ils fascinent tout le monde, même dans les occasions où ils ne trompent personne. Le pape, qui dans la vue de se disculper, ou plutôt de se débarrasser de ma conduite, soit à l'égard de la France, soit à celui du sacré collège, eût souhaité que je l'eusse contesté ce qu'il me proposait, reprit promptement et même vivement la parole de me soumettre que vous venez de voir, et il me dit « Le cardinal d'Est au nom du roi ?» Le nom avec lequel il prononça ce mot, joint à ce que le marquis Riccardi, ambassadeur de Florence, m'avait dit la veille d'un tour assez pareil qu'il avait donné 3 ou 4 jours auparavant, à une conversation qu'il avait eue avec lui, ce ton, dis-je, me fit juger que le pape s'attendait que je prendrais le change, que je verbaliserais sur la distinction des ordres du roi et de ceux de monsieur le cardinal d'Est, et qu'ainsi il aurait lieu de dire à monsieur de Lyonne, qu'il m'avait exhorté à l'obéissance, et à mes confrères, qu'il ne m'avait recommandé que de demeurer dans les termes du respect que je devais au roi. Je ne lui donnai lieu ni de l'un ni de l'autre, car je lui répondis sans balancer que c'était justement ce qui me mettait en peine, et sur quoi je le suppliais de décider, parce que d'un côté le nom du roi paraissait, pour lequel je devais avoir toutes sortes de soumissions, et que de l'autre, je voyais celui de sa sainteté si blessé, que je ne croyais pas devoir, en mon particulier, donner les mains à une atteinte de cette nature, que je n'en eusse au moins un ordre express. Le pape bâtit beaucoup de pays pour me tirer, ou plutôt pour se tirer lui-même de la décision que je lui demandais. Je demeurai fixe et ferme. Il courut, il s'égaya, ce qui est toujours facile aux supérieurs. Il me répéta plusieurs fois que le roi était un grand monarque. Il me dit d'autres fois que Dieu était encore plus puissant que lui. Tantôt il exagérait les obligations que les ecclésiastiques avaient à conserver les libertés et les immunités de l'Église. Tantôt il s'étendait sur la nécessité de ménager, dans la conjoncture présente, l'esprit des rois. Il me recommanda la patience chrétienne. Il me recommanda la vigueur épiscopale. Il blâma le cérémonial, auquel on était trop attaché à la cour de Rome. Il en loua l'observation comme étant nécessaire pour le maintien de sa dignité. Le sens littéral de tout son discours était que, quoi que je puisse faire, je ne pourrais rien faire qu'il ne pût dire m'avoir défendu. Je le pressai de s'expliquer, autant que l'on peut presser un homme qui est assis dans la chaire de Saint-Pierre. Je n'en pus rien tirer. Je rendis compte de mon audience à monsieur le cardinal Barberin et à mes amis de l'escadron, et je vous rendrai celui de la conduite qu'ils me firent prendre, après que je vous aurai entretenu, et d'une conversation que M. de Lyonne avait eue avec le pape quelques jours auparavant, et de ce qui se passait entre M. de Lyonne et moi dans le même temps. Lyonne, qui n'était rétabli à la cour que depuis peu, fut touché au vif de ce que le pape m'avait donné le pallium, parce qu'il appréhendait que M. le cardinal Mazarin ne se prît à lui d'une action qu'il craignait que l'on imputât à sa négligence. Il n'en avait pas été averti, ce qui pouvait être un grand crime auprès d'un homme qui lui avait dit en partant qu'il n'y en avait pas un à Rome qui ne lui servît volontiers d'espion. L'appréhension qu'il eut de la réprimande l'obligea à en faire une terrible au pape, car la manière dont il lui parla ne se peut appeler une plainte. Il lui déclara en face que nonobstant mes bulles, ma prise de possession et mon pallium, le roi ne me tenait ni ne me tiendrait jamais pour archevêque de Paris. Voilà une des plus douces phrases de l'oraison. Les figures en furent remplies de menaces d'arrêt du Parlement, le décret de Sorbonne, de résolution du clergé de France. L'on jeta quelques mots, un peu enveloppés de schisme, et l'on s'expliqua clairement et nettement de l'exclusion entière et absolue que l'on donnerait au pape du congrès pour la paix générale, que l'on supposait se devoir traiter au premier jour. ce dernier chef effraya le pape Alexandre à un tel point qu'il fit un million d'excuses à de Lyonne, et si basses, et même si ridicules, qu'elles seront incroyables à la postérité. Il lui dit, les larmes aux yeux, que je l'avais surpris, qu'il ferait au premier jour une congrégation de cardinaux agréables au roi, pour examiner ce qui se pourrait faire pour sa satisfaction, que lui, M. de Lyonne, n'avait qu'à travailler incessamment et en diligence aux mémoires de tout ce qui s'était passé dans la guerre civile, qu'il en ferait très bonne et très brève justice à sa majesté. Enfin, il contenta si bien et si pleinement M. de Lyonne qu'il écrivit à M. le cardinal Mazarin par un courrier express en ses propres termes « J'espère que je donnerai dans peu de jours une nouvelle encore meilleure que celle-ci à votre éminence, qui sera que le cardinal de Ré sera au château Saint-Ange. » Le pape ne compte pour rien les amnisties accordées au parti de Paris et il m'a dit que le cardinal de Ré ne s'en peut servir parce qu'il n'y a que le pape qui puisse absoudre les cardinaux comme il n'y a que lui qui les puisse condamner. Je ne lui ai pas laissé passer à tout hasard ces alternatives, et je lui ai répondu que le Parlement de Paris prétendait qu'il les peut condamner et qu'il aurait déjà fait le procès au cardinal de Ré si votre éminence ne s'était opposée avec vigueur, par le pur motif du respect qu'il a pour le Saint-Siège et pour sa sainteté en particulier. Le pape m'a témoigné qu'il vous en était, monseigneur, très obligé, et m'a chargé de vous assurer qu'il ferait plus de justice au roi que le Parlement de Paris ne lui en aurait pu faire. Voilà un des articles de la lettre de Lyonne. Je vous supplie d'observer que la conversation que j'eus avec le pape, dont je viens de vous raconter le détail, ne fut précédée que de deux ou trois jours de celle que M. de Lyonne eut avec lui et qui fut la manière de la lettre que vous venez de voir. Quand même elle ne fut pas venue à ma connaissance, je n'eusse pas laissé de m'apercevoir de l'indisposition du pape dont j'avais non seulement des indices, mais des lumières certaines. Monseigneur Febey, premier maître des cérémonies, homme sage et homme de bien, et qui de concert avec moi avait servi le pape très dignement pour son exaltation, m'avertit qu'il le trouvait beaucoup changé à mon égard, et à un point, ajouta-t-il, que j'en suis scandalisé al major segno. Le pape avait même dit à l'abbé Charrier qu'il ne comprenait pas le plaisir que je prenais à faire courir dans Rome le bruit que je gouvernais le pontificat. Le père Hilarion, Bernardin et abbé de Sainte-Croix de Jérusalem, qui était un des plus honnêtes hommes du monde, et avec lequel j'avais fait une étroite amitié, me conseilla, sur ce discours du pape à l'abbé Charrier, de faire un tour à la campagne, sous prétexte d'y aller prendre l'air, mais en effet pour lui faire voir que j'étais bien éloigné de m'empresser à la cour. Je suivis son avis, et j'allai un mois ou cinq semaines à Grotta Ferrata, qui est à 4 lieues de Rome. C'était autrefois le Tusculum de Cicéron, et c'est présentement une abbaye de l'ordre de Saint-Basile. Elle est à M. le cardinal Barberin. Le lieu est extrêmement agréable, et il ne me paraît pas même flatté en ce que son ancien seigneur en dit dans ses épîtres. Je m'y divertissais par la vue de ce qui paraît encore de ce grand homme. Les colonnes de marbre blanc qu'il fit apporter de Grèce pour son vestibule y soutiennent l'église des religieux qui sont italiens, mais qui font l'office en grec et qui ont un chant particulier, même très beau. Ce fut dans ce séjour où j'eus connaissance de la lettre de M. de Lyonne, de laquelle je viens de vous parler. Croissy m'en apporta une copie tirée sur l'original. Il est nécessaire que je vous explique et qui était ce Croissy et le fond de l'intrigue qui me donna lieu de voir cette lettre. Je reviens à la lettre que Croissy m'apporta à Grotta Ferrata. J'en fus surpris, mais de cette sorte de surprise qui n'émeut point. J'ai toute ma vie senti que ce qui est incroyable a fait toujours cet effet en moi. Ce n'est pas que je ne sache que ce qui est incroyable est souvent vrai, mais comme il ne doit pas l'être dans l'ordre de la prévoyance, je n'ai jamais pu en être touché, parce que j'en ai toujours considéré les événements comme des coups de foudre, qui ne sont pas ordinaires, mais qui peuvent toujours arriver. Nous fîmes toutefois de grandes réflexions, Croissy, l'abbé Charrier et moi, sur cette lettre. J'envoyai celui-ci à Rome, en communiquer le contenu à M. le cardinal Azzolin, qui ne fit pas grand cas des paroles du pape, sur lesquelles M. de Lyonne faisait tant de fondements, et qui dit à l'abbé Charrier, très habilement et très subtilement, qu'il était persuadé que Lyonne, qui avait intérêt de couvrir ou plutôt de déguiser et de déparer à la cour de France la prise du pallium, grossissait les paroles et les promesses de sa sainteté, qui d'ailleurs, ajouta Azzolin, est le premier homme du monde à trouver des expressions qui montrent tout et qui ne donnent rien. il me conseilla de retourner à Rome, de faire bonne mine, de continuer à témoigner au pape une parfaite confiance et en sa justice et en sa bonne volonté, et d'aller mon chemin comme si je ne savais rien de ce qu'il avait dit à Lyon. Je le crus, j'en usai ainsi. Je déclarai en y arrivant, selon que nos amis m'avaient conseillé avant que j'en sortisse, que j'avais tant de respect pour le nom du roi que je souffrirais toute chose sans exception de tous ceux qui auraient le moins du monde son caractère, que non pas seulement M. de Lyon, mais que même M. Gueffier, qui était simple agent de France, vivrait avec moi comme il leur plairait, que je leur ferais toujours dans les rencontres toutes les civilités qui seraient en mon pouvoir, que pour ce qui était de messieurs les cardinaux mes confrères, j'observerais la même règle, parce que j'étais persuadé qu'il n'y avait aucune raison au monde capable de dispenser les ecclésiastiques de tous les devoirs, même extérieurs, de l'union et de la charité qui doit être entre eux, que cette règle, qui est de l'Évangile et par conséquent bien supérieure à celle des cérémoniaux, m'apprenait que je ne devais point prendre garde avec eux s'ils étaient mes aînés ou mes cadets, que je m'arrêterais également devant eux sans faire réflexion s'ils me rendraient l'appareil ou s'ils ne me la rendraient pas, s'ils me salueraient ou s'ils ne me salueraient point, que pour ce qui était des particuliers qui n'avaient point de caractère particulier du roi et qui ne rendraient pas à ma personne le respect qu'ils devaient à la pourpre, je ne pourrais pas avoir la même conduite, parce qu'elle tournerait au déchet de sa dignité par les conséquences que les gens du monde ne manquent jamais de tirer à leur avantage contre les prérogatives de l'Église, que comme toutefois je me sentais, et par mon inclination et par mes maximes, très éloigné de tout ce qui pourrait avoir le moindre air de violence, j'ordonnerais à mes gens de n'en faire aucune au premier de ceux qui manqueraient à ce qu'ils me doivent, et que je me contenterais qu'ils coupassent les jarrets aux chevaux de leur carrosse. Vous croyez aisément que personne ne s'exposa à recevoir un affront de cette nature. La plupart des Français s'arrêtèrent devant moi. Ceux qui crurent devoir obéir aux ordres de M. le cardinal d'Este évitèrent avec soin de me rencontrer dans les rues. Le pape, à qui M. le cardinal Bichi grossit beaucoup la déclaration publique que j'avais faite sur la conduite que je tiendrais, m'en parla sur un ton de réprimande, en me disant que je ne devais pas menacer ceux qui obéiraient aux ordres du roi. Comme je connaissais déjà ses manières toutes artificieuses, je crus que je ne devais répondre que d'une façon qui l'obligea lui-même à s'expliquer, ce qui est une règle infaillible pour agir avec les gens de ce caractère. Je lui répondis que je lui étais sensiblement obligé de la bonté qu'il avait de me donner ses ordres, que je souffrirais dorénavant tout du moindre Français, et qu'il me suffisait, pour me justifier dans le sacré collège, que je pusse dire que c'était par commandement de sa sainteté. Le pape reprit ce mot avec chaleur, et il me répondit « Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne prétends point que l'on ne rende pas ce qu'on doit à la pourpre. Vous allez d'une extrémité à l'autre. Gardez-vous bien d'aller faire ce discours dans Rome. » Je ne repris pas avec moins de promptitude ces paroles du pape. Je le suppliai de me pardonner si je n'avais pas bien pris son sens. Je présumais qu'il approuvait le gros de la conduite que j'avais prise et qu'il ne m'en avait recommandé que le juste tempérament. Il ne crut pas qu'il me dût dédire parce qu'il avait un peu son compte, en ce qu'il m'avait parlé amphibologiquement. J'avais le mien en ce que je n'étais pas obligé de changer mon procédé. Ainsi finit mon audience, au sortir de laquelle je fis les éloges de sa sainteté à Monsignor il Maestro di Camera, qui m'accompagnait. Il le dit le soir au pape, qui lui répondit avec une mine renfrognée. Questi maledetti francesi sono più furbi di noi altri. Ce maître de chambre, qui était Monsignor Bandinelli, et qui fut depuis cardinal, le dit deux jours après au père Hilarion, abbé de Sainte-Croix de Jérusalem, de qui je le sus. Je continuai à vivre sur ce pied jusqu'à un voyage que je fis aux eaux de Saint-Cassien, qui sont en Toscane, pour essayer de me remettre d'une nouvelle incommodité qui m'était survenue à l'épaule par ma faute. Je vous ai déjà dit que le plus fameux chirurgien de Rome n'avait pu réussir à la remettre, quoiqu'il me l'eût démise de nouveau pour cet effet. Je me laissai enjôler par un paysan des terres du prince Borghese, sur la parole d'un gentilhomme de Florence, mon allié, de la maison de Manzinghi, qui m'assura qu'il avait vu des guérisons prodigieuses de la façon de ce charlatan. Il me démit l'épaule pour la troisième fois, avec des douleurs incroyables, mais il ne la rétablit point. La faiblesse qui me resta de cette opération m'obligea de recourir aux eaux de Saint-Cassien, qui ne me furent que d'un médiocre soulagement. Je revins passer le reste de l'été à Caprarole, qui est une fort belle maison à 40 000 de Rome, et qui est à Monsieur de Parme. J'y attendis la Pinfrescata, après laquelle je retournai à Rome, où je trouvai le pape aussi changé sur toute chose sans exception qu'il me l'avait déjà paru pour moi. Il ne tenait plus rien de sa prétendue piété que son sérieux. Je dis son sérieux et non pas sa modestie, car il paraissait beaucoup d'orgueil dans sa gravité. Il ne continua pas seulement l'abus du népotisme en faisant venir ses parents à Rome, il le consacra en le faisant approuver par les cardinaux, auxquels il en demanda leur avis en particulier, pour ne point être obligé de suivre celui qui pourrait être contraire à sa volonté. Il était vain jusqu'au ridicule et au point de se piquer de sa noblesse, comme un petit noble de la campagne à qui les élus la contesteraient. Il était envieux de tout le monde sans exception. Le cardinal Cesi disait qu'il le ferait mourir de colère à force de lui dire du bien de Saint-Léon. Il est constant que Monsignor Magalotti se brouilla presque avec lui parce qu'il lui parut qu'il croyait mieux savoir la Crusca. Il ne disait pas un mot de vérité, et le marquis de Riccardi, ambassadeur de Florence, écrivit au grand-duc ses propres paroles à la fin d'une dépêche qu'il me montra. « In fine, serenissimo signore, abbiamo un papa qui non dice mai una parola di verità. » Il était continuellement appliqué à des bagatelles. Il osa proposer un prix public pour celui qui trouverait un mot latin pour exprimer chaise roulante, et il passa une fois 7 ou 8 jours à chercher si Moscou venait de Mousca ou si Mousca venait de Moscou. Mais le cardinal Imperiali m'ayant dit le détail de ce qui s'était passé en 2 ou 3 assemblées d'académie qui s'étaient tenues sur ce digne sujet, je crus qu'il exagérait pour se divertir et je perdis cette pensée dès le lendemain. Car le pape, nous ayant envoyé quérir M. le cardinal Rapaccioli et moi, et nous ayant commandé de monter avec lui dans son carrosse, il nous tint 3 heures entières que la promenade dura, sur les minuties les plus fades que la critique la plus basse d'un petit collège eût pu produire. Et Rapaccioli, qui était un fort bel esprit, me dit, quand nous fûmes sortis de sa chambre où nous le conduisîmes, qu'aussitôt qu'il serait retourné chez lui, il distillerait le discours du pape pour voir ce qu'il pourrait trouver de bon sens d'une conversation de 3 heures, dans laquelle il avait toujours parlé tout seul. Il eut une affectation, quelques jours après, qui parut être d'une grande puérilité. Il mena tous les cardinaux à cette église, et comme le chemin était trop long pour le pouvoir faire, avec un aussi grand cortège, dans le cours d'une matinée, il leur donna à dîner dans le réfectoire de Saint-Paul, et il les fit servir en portions à part, comme l'on sert les pèlerins dans le temps du jubilé. Véritablement, toute la vaisselle d'argent qui fut employée, avec profusion à ce service, fut faite exprès, et d'une forme qui avait rapport aux ustensiles ordinaires des pèlerins. Je me souviens, entre autres, que les vases dans lesquels on nous servit le vin étaient tout à fait semblables aux calebasses de Saint-Jacques. Mais rien ne fit mieux paraître, à mon sens, son peu de solidité, que le faux honneur qu'il se voulut donner de la conversion de la reine de Suède. Il y avait plus de 18 mois qu'elle avait abjuré son hérésie quand elle prit la pensée de venir à Rome. Aussitôt que le pape Alexandre l'eut appris, il en donna part au sacré collège, en plein consistoire, par un discours très étudié. Il n'oublia rien pour nous faire entendre qu'il avait été l'unique instrument dont Dieu s'était servi pour cette conversion. Il n'y eut personne qui ne fût très bien informé du contraire, et jugez, s'il vous plaît, de l'effet qu'une vanité aussi mal entendue ait pu produire. Il ne vous sera pas difficile de concevoir que cette manière de sa sainteté ne me devait pas donner une grande idée de ce que je pouvais espérer de sa protection, et je reconnus de plus, en peu de jours, que sa faiblesse pour les grandes choses augmentait à mesure de son attachement aux petites. On fait tous les ans un anniversaire pour l'âme de Henri le Grand, dans l'église de Saint-Jean de Latran, où les ambassadeurs de France et les cardinaux de la faction ne manquent jamais d'assister. Le cardinal d'Est prit en gré de déclarer qu'il ne m'y souffrirait pas. Je le sus, je demandai audience au pape pour l'en avertir. Il me la refusa, sous prétexte qu'il ne se portait pas bien. Je lui fis demander ses ordres sur cela par Monsignor Febeil, qui n'en put rien tirer que des réponses équivoques. Comme je prévoyais que s'il arrivait là quelque fracas entre monsieur le cardinal d'Est et moi, où il y eut le moins du monde du sang répandu, le pape ne manquerait pas de m'accabler, je n'oublie rien de tout ce que je pus faire honnêtement pour m'attirer un commandement de ne point me trouver à la cérémonie. Comme je n'y pus pas réussir, et que je ne voulais pas d'ailleurs me dégrader moi-même du titre de cardinal français, en m'excluant des fonctions qui étaient particulières à la nation, je me résolus de m'abandonner. J'allai à Saint-Jean de Latran fort accompagné. J'y pris ma place, j'assistai au service, je saluai fort civilement, en entrant et en sortant, messieurs les cardinaux de la faction. Ils se contentèrent de ne point me rendre le salut, et je revins chez moi très satisfait d'en être quitte à si bon marché. J'eus une pareille aventure à Saint-Louis, où le sacré collège se trouva le jour de la fête du patron de cette église. Comme j'avais su que la Bussière, qui est présentement maître de chambre des ambassadeurs à Rome, et qui était en ce temps-là écuyer de M. de Lyonne, avait dit publiquement que l'on ne m'y souffrirait pas, je fis toutes mes diligences pour obliger le pape à prévenir ce qui pourrait arriver. Je lui en parlai à lui-même avec force. Il ne se voulut jamais expliquer. Ce n'est pas que d'abord je ne lui en parlais. Il me dit qu'il ne me voyait pas ce qui pouvait m'obliger de me trouver à des cérémonies dont je me pouvais fort honnêtement excuser sur les défenses que le roi avait faites de m'y recevoir. Mais comme je lui répondis que si je reconnaissais ses ordres pour des ordres du roi, je ne voyais pas moi-même comme je me pourrais défendre d'obéir à ceux par lesquels Sa Majesté commandait tous les jours de ne me point reconnaître comme archevêque de Paris, il tourna tout court. Il me dit que c'était à moi de me consulter. Il me déclara qu'il ne défendrait jamais un cardinal d'assister aux fonctions du sacré collège, et je sortis de mon audience comme j'y étais entré. J'allai à l'église de Saint-Louis en état d'y disputer le pavé. La Bussière arracha de la main du curé l'asperges, comme il me voulait présenter l'eau bénite, qu'un de mes gentilshommes m'apporta. Monsieur le cardinal Antoine ne me fit pas le compliment que l'on fait, en cette occasion, à tous les autres cardinaux. Je ne laissai pas de prendre ma place, d'y demeurer tout le temps de la cérémonie, et de me maintenir par là à Rome, dans le poste et dans le train de cardinal français. Ainsi s'achèvent les pages choisies dans les mémoires du cardinal de Ré.